llenar todo tú. Tout donné pour les siens jusqu'à limite. S'oublier le poids du passé contre la maturité. Tour à tour, la plus belle embalade. C'est chacun son tour, la plus belle embalade. Emprunté des détours, la plus belle embalade. Sans aucun recours, la plus belle embalade. On a toujours le choix entre le mal et le bien. Et